30 et 31 décembre prochain, C'est Fou renoue avec la tradition et vous offre une programmation spéciale Trad, Rigodon et Tourtière sans interruption. Profitez-en pour soigner votre compagnie dans le fond de la boîte à bois durant ces deux jours de pure tradition musicale. Le 30 et 31 décembre, C'est Fou vous souhaite bonne année. Mets-toi bien. L'émission, c'est Mets-toi bien. Chaque mercredi de 21h à 22h, une heure de pur son hip-hop avec votre animateur préféré A2. Mettez-vous bien, la famille. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Jeudi soir, entrez dans la spirale dès 18h sur C'est Fou 89.1. En rediffusion le mercredi de 14 à 15h. Le Père Noël a perdu son gros cul. C'est Fou les fêtes au 89.1. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Connaître Ensemble, l'émission pour tout savoir en périnatalité par les étudiantes du bac en pratique sage-femme de l'UQTR. Mon nom est Véronique Bazinet, votre co-animatrice avec Jessica Boulanger pour la session automnale 2010. Ce matin, notre émission portera sur l'herboristerie et l'ostéopathie dans les soins périnataux. Nous recevrons deux invités. Donc, en première partie, nous avons la chance de recevoir Capucine Chartrand, qui est herboriste dans la région de Québec, puis qui nous parlera des plantes médicinales et de la périnatalité. Puis, en deuxième partie, nous entretiendrons avec Évelyne Fleury, ostéopathe, qui exerce à Montréal. Vous êtes à C'est Fou 89.1, la radio campus de Trois-Rivières. Avertissement. Les propos tenus lors de cette émission représentent exclusivement l'opinion des membres de l'équipe de l'émission et ne représentent et ne peuvent pas être associés à aucune autre organisation et ne reflètent aucunement l'opinion des sages-femmes. Bon matin. J'espère que vous allez bien en cette fin de session pour les étudiantes et les étudiants qui nous écoutent. Aujourd'hui, c'est notre dernière émission de la saison automnale. Donc, à partir du 13 janvier 2011, vous pourrez nous écouter les jeudis matins de 10h à 11h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Les approches alternatives dans les soins périnataux. Plusieurs médecines alternatives et complémentaires peuvent venir en aide à la femme enceinte, soit avant l'accouchement ou après l'accouchement dans le postnatal et pour les soins du bébé. À l'émission d'aujourd'hui, on va vous parler, comme on l'a mentionné, d'herboristerie et d'ostéopathie, qui sont deux médecines complémentaires qui peuvent soutenir la femme tout au long de la période entourant la grossesse et l'accouchement. Et on pourra aussi parler de comment ces approches-là peuvent intervenir pour guérir certains maux communs du bébé ou pour replacer l'ossature ou la musculature au besoin. J'accueille maintenant notre première invitée, Capucine Chartrand. Donc, elle est herboriste-thérapeute et accréditée par la Guilde des herboristes. Elle est conférencière. Elle fait de la consultation privée et de l'enseignement depuis 5 ans au niveau professionnel puis au niveau du grand public. Elle donne aussi des cours permettant d'intégrer les plantes médicinales dans son quotidien afin de favoriser l'autonomie des gens dans leur santé. Elle a siégé pendant 4 ans au Conseil canadien d'association d'herboristes. Elle a été aussi secrétaire de la Guilde des herboristes pendant 5 ans. Elle est aussi nouvellement accompagnante à la naissance. Et puis, dans le passé, elle a donné des ateliers sur l'utilisation des plantes médicinales aux étudiantes du bac en pratique sage-femme de l'UQTR. Donc, wow, quel parcours! Bonjour, Capucine. Bonjour, Véronique. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci de t'être déplacée jusqu'à Trois-Rivières pour venir nous rencontrer. Je voulais savoir, dans le cadre de ta pratique comme herboriste thérapeute, est-ce que ça fait longtemps que tu utilises les plantes médicinales pour les femmes enceintes et pour les bébés? Oui, dès le début, j'ai commencé à utiliser les plantes médicinales avec les femmes enceintes, avec les enfants. Je crois que c'est un atout qui peut être très, très intéressant dans un contexte comme celui-là. Il y a beaucoup de plantes médicinales qui vont être utiles pour différents maux de grossesse, pour les jeunes enfants, tout ça. Donc, on va pouvoir donner les plantes médicinales à différents niveaux de la grossesse et à tous les niveaux pour les enfants. Est-ce que c'était quelque chose qui revenait beaucoup en consultation ou dans les ateliers que tu donnais? Est-ce que tu sentais qu'il y avait un besoin de connaître les plantes pour les femmes et les jeunes enfants? Définitivement, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui, quand ils savent qu'ils vont devenir parents, ils veulent avoir des outils pour leur permettre de soigner leurs enfants autrement que par la médecine très allopathique, si on veut. Oui. Puis, oui, il y a beaucoup de parents qui vont essayer de se nourrir mieux, trouver des alternatives simples, en fait, qu'on peut trouver même dans la cuisine. Il y a beaucoup de plantes médicinales qui se retrouvent déjà dans votre cuisine. On pense à l'ail, au thym, au romarin. Ce sont des plantes médicinales qui vont pouvoir être utilisées chez les enfants et à certains moments, quand les femmes sont enceintes. D'accord. Puis, au niveau, on sait que les plantes médicinales ont été longtemps utilisées traditionnellement dans plusieurs cultures, et ça, à travers le monde. Pour aider lors de l'accouchement, puis justement dans les soins périnataux. Est-ce que tu pourrais nous parler de quelques-unes de ces utilisations traditionnelles? Bien, la première plante qui revient souvent quand on lit tout ça, c'est beaucoup le framboisier. Le framboisier, c'est une plante de base pour les femmes enceintes. C'est une plante qui va aider toute la structure de l'utérus à être mieux irriguée, à être plus souple, à faire en sorte que l'utérus fasse mieux son travail tout au long de la grossesse. Donc, c'est une plante indiquée à prendre régulièrement, idéalement en tisane. Si ce n'est pas possible en tisane pour des raisons de préparation, on va la prendre en teinture mère. Donc, ça, c'est une des premières plantes à penser quand on est enceinte. Après ça, on peut penser à des plantes qui sont nutritives. L'ortie, qui est une plante qui va donner beaucoup de fer, qui va donner de l'énergie, surtout en premier trimestre quand la femme est très fatiguée. L'avoine va être une plante qui va être nourrissante, qui va éviter les crampes que les femmes, que les femmes surtout, hein? les femmes vont avoir au cran, aux jambes, puis tout ça. C'est une plante qui va permettre aussi de relaxer le système nerveux. Donc, c'est des plantes comme ça qui vont être utilisées traditionnellement. Puis, il y a des plantes qu'on va utiliser au moment de l'accouchement. Je pense à des plantes qui vont être plus encore là pour calmer le système nerveux, comme la grippeaume, qu'en anglais, on appelle motherwort, donc qui est tout à fait indiqué. L'huile de ricin, qui va être les derniers recours pour déclencher un accouchement. Donc, il y a différentes plantes comme ça qu'on va utiliser de façon traditionnelle, mais qui sont toujours utilisées aujourd'hui. D'accord. Puis justement, est-ce que tu es au courant si les sages-femmes qui pratiquent aujourd'hui dans les maisons de naissance utilisent les plantes médicinales? Puis est-ce qu'il y en a certaines justement en particulier qui sont plus utilisées? Oui, ça va dépendre de l'approche des sages-femmes, qu'est-ce qu'elles ont désiré développer, ça va aussi aller avec les intérêts. Fait que je connais des sages-femmes qui vont utiliser des plantes médicinales, j'en connais qui vont utiliser davantage l'homéopathie, la naturopathie, ou il y en a qui vont se tourner vers, justement, comme Evelyne va nous en parler, l'ostéopathie ou l'acupuncture. Donc, les plantes médicinales utilisées par les sages-femmes, bon, ça revient un peu à ce que je vous ai dit tantôt, le framboisier, l'ortie, l'avoine. Il y a d'autres choses aussi qui vont être utilisées si, par exemple, pour l'expulsion du placenta, l'angélique, le pimbina vont être des plantes qui vont être intéressantes. On va penser aussi s'il y a des segments à la bourse à Pasteur, puis à l'achillée millefeuille. Ça, c'est les sages-femmes de Québec, c'est un mélange qu'ils aient, ben, en tout cas, à la maison des naissances de Limoilou, à côté de chez moi. C'est un mélange qui est fort utilisé. Donc, il y a vraiment, ça va vraiment dépendre, puis à quoi d'autre? Je pense le trèfle rouge. Le trèfle rouge est une plante qui va être très, très intéressante pour encore là avoir un nourrir puis faire en sorte que la femme soit plutôt relaxe là, tout au long de son accouchement. D'accord. Puis, est-ce que tu sais s'ils utilisent aussi les actées à grappes ou... Tout à fait. Les actées à grappe noire et les actées à grappe bleue vont être utilisées encore là pour, comme mélange pour déclencher un accouchement. Donc, il y a des dosages très précis. Puis, parfois, on va ajouter à cette plante-là la grippome encore pour vraiment... Des fois, quand l'accouchement ne part pas, il peut y avoir une certaine cause de stress qui fait que on a le goût d'accoucher, mais pas sûr finalement que c'est vraiment ça qu'on a le goût. Fait que d'aider la femme à relaxer par la grippome, qui est une plante qui va vraiment relaxer les nerfs, puis les actées vont vraiment travailler au niveau plus hormonal pour permettre au col de dilater puis tout ça. Il y a une autre plante qu'on va utiliser aussi pour le déclenchement qui est l'onagre. On va utiliser l'huile d'onagre qu'on va pouvoir appliquer directement sur le col et prendre en interne pour permettre au col de vraiment bien se dilater puis faire en sorte que ça aide l'accouchement à démarrer. D'accord. Est-ce que justement dans ta pratique, dans ce que tu vois, quelles sont les affections les plus courantes qu'on rencontre chez les femmes enceintes puis qui pourraient être soulagées ou traitées efficacement par les plantes qu'on a autour de nous ou qu'on peut avoir accès facilement? Les nausées de grossesse. La première chose, les nausées de grossesse. Il y a deux choses très intéressantes à savoir pour les nausées de grossesse. Quand la femme est enceinte, il y a beaucoup, beaucoup d'hormones qui vont fluctuer dans le corps, beaucoup, beaucoup plus que normalement. Faut savoir que dans le corps, c'est le foie qui va dégrader les hormones. Donc, si le foie est un petit peu lent ou est un petit peu engorgé, ça peut créer des nausées. Donc, d'aider le foie par le pissenlit ou le chardon-marie, qui sont des plantes qu'on trouve généralement soit en teinture mère. La teinture mère, c'est un concentré liquide de plantes dans un solvant comestible, puis qui peut être pris à raison de quelques gouttes dans de l'eau. Ça peut faire une grosse différence. À ça, on va ajouter le gingembre. Le gingembre, c'est une plante qui peut être prise sous différentes formes. Donc, on pense à la tisane de gingembre, aux capsules de gingembre, au gingembre mariné même, le gingembre à sushi, le gingembre confit. Il faut faire attention au sucre. Mais c'est toutes des différentes options qui peuvent être prises régulièrement. Là. On peut pas prendre trop de gingembre c'est ça. Puis ça va vraiment aider les nausées à diminuer. Le framboisier est une plante qui va aussi aider les nausées, surtout dans les trois premiers mois. C'est surtout là que les nausées arrivent, de toute façon. Juste un petit détail, tu nous as parlé du framboisier qui est vraiment, je pense, une plante qui est très importante justement pour les femmes enceintes. Puis des fois dans la littérature, on retrouve des informations contradictoires sur le framboisier, que ça déclencherait des contractions utérines. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu en penses? Tout à fait. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension du framboisier généralement. Ce qui arrive, c'est que le framboisier, c'est un tonique utérin. Quand on dit tonique en herboristerie, ça veut dire que ça aide le corps à mieux faire son travail. Ça ne veut pas dire que c'est stimulant. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Souvent, on va mêler les deux termes. « Ah, j'ai besoin d'un petit tonique pour avoir plus d'énergie. » Oui, un tonique, ça donne plus d'énergie, mais ça ne stimule pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, est très, très mal compris dans la littérature, puis qui fait qu'on va même retrouver des moments où est-ce que le framboisier pourrait être contre-indiqué alors qu'il ne l'est pas. Pour moi, quand j'enseigne le framboisier, le framboisier est vraiment bon tous les jours de votre vie de femme. Oui, j'appuie la motion. On sait que il y a beaucoup de plantes qui ne peuvent pas être consommées durant la grossesse. Puis souvent, je pense que c'est quelque chose que les femmes qui tombent enceintes, qui n'ont pas nécessairement beaucoup de connaissances en herboristerie, peuvent se sentir un peu déstabilisées par rapport à quelles plantes je peux prendre ou non. Est-ce qu'il y a des règles générales à suivre afin de rester vraiment dans une marge qu'on pourrait dire sécuritaire? Oui. Il y a des plantes qui ne sont pas à prendre. Il y a beaucoup, Il y a beaucoup de plantes qui vont être très, très fortes ou très laxatives que c'est quand même difficile là, de trouver sur le marché. Des fois, vous allez trouver une liste de plantes médicinales. Les herboristes, nous, on les connaît, puis on peut en avoir en stock, mais en magasin d'alimentation naturelle ou même dans certaines herboristeries, je vous dirais que les gens sont avertis généralement. Donc, on va éviter les plantes laxatives, les plantes qui sont diurétiques. Il y a certaines plantes qu'on dit héménagogues qui peuvent aider à déclencher les menstruations qui ne viennent pas nécessairement parce que la femme est enceinte, juste parce qu'il y a un peu de tension, de rétention, tout ça. Donc, ces plantes-là vont être contre-indiquées. Il y a des plantes qui ont... aussi certains principes actifs qui vont être très, très forts, très antibiotiques, tout ça qu'on va préférer éviter tout au long de la grossesse. Je pense à une plante comme l'hydrasse qui va être très, très efficace comme antibiotique, mais qu'on va préférer éviter en grossesse. Donc, c'est ça. D'accord. Puis, justement, j'imagine de se référer à un herboriste-thérapeute, une herboriste-thérapeute ou un autre naturopathe professionnel de la santé, toujours pour avoir un avis. C'est définitivement le choix à faire quand on veut prendre des plantes en traitement pendant la grossesse. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué. Il y a de plus en plus de ressources disponibles d'aller déjà dans les magasins d'alimentation naturelle pour poser les bonnes questions. Les gens, généralement, peuvent aussi vous référer à des thérapeutes qualifiés. Ça peut faire la différence. Puis, ça peut faire la différence si vous êtes un peu, incommodé pendant votre grossesse. Et ça peut faire la différence pour qu'il n'y ait pas de malheureuses situations. Là. D'accord. Puis, est-ce qu'il y a des recettes maison qui peuvent être fabriquées facilement? Parce que, bon, tantôt, vous nous avez dit qu'il y a des plantes qu'on retrouve dans notre cuisine qu'on pourrait intégrer ou utiliser pour se soigner. Donc... Oui, il y a différentes choses qu'on peut faire. Déjà, de faire de la tisane régulièrement, ça peut faire ça va apporter un côté alimentaire. Pour moi, beaucoup des plantes que j'utilise, c'est l'extension de l'alimentation. Donc, c'est très important de juste tranquillement les intégrer tout au long de la grossesse, puis idéalement tout au long de sa vie. Là. Mais bon, je suis peut-être un peu utopique. Mais moi, je sais que c'est possible, je connais plein de gens qui le font. Donc, il y a des recettes aussi. On peut faire justement des teintures mères à base de vinaigre de cidre de pomme. Donc, de faire macérer des plantes dans le vinaigre de cidre de pomme, ça va aider à concentrer les plantes. Ça va permettre d'extraire les principes actifs des plantes. Ce qui va faire en sorte que des fois, ça a un côté beaucoup plus pratique, les teintures mères, parce qu'on va garder ça dans des petites bouteilles qu'on peut traîner dans nos sacoches, puis tout ça, puis avoir sous la main rapidement. Il y a des plantes qu'on va préférer, par exemple, des plantes qui sont vraiment relaxantes au niveau du système nerveux. Je pense à la scutellaire et à la grippeombe, deux plantes qui peuvent aider la femme quand il y a des moments de panique, tout ça. Donc, de les avoir sur soi, ça peut faire une différence. Puis, comme je parlais tantôt du gingembre qui peut être intéressant. Donc, de cuisiner avec le gingembre, de cuisiner avec le curcuma aussi. Le curcuma, c'est un super antioxydant pour le foie. Donc, ça va faire... ça peut aider généralement juste le foie à bien faire son travail puis à pas être un peu... surpassé par toutes les hormones qui arrivent tout au long de la grossesse. Donc, ce serait des petits trucs que je donnerais pour commencer. Est-ce que l'ail pourrait aider la femme enceinte? Oui, l'ail, c'est une plante qui va être intéressante. On ne va pas la prendre en fin de grossesse en grande quantité ou en traitement parce que c'est un anticoagulant. Mais l'ail va être intéressant dans des cas de rhume, de grippe, d'infection, par exemple, même vaginale. Donc, on pourrait prendre de l'ail en interne cru. Et cru, c'est vraiment plus intéressant parce que les propriétés médicinales vont être là, vont être beaucoup plus présentes. On peut prendre un vinaigre d'ail aussi, qui est une teinture mère d'ail, puis qui va être consommé avec un peu d'eau ou même dans l'alimentation. Puis ça va pouvoir faire une différence. Puis de l'ail, bien, tout le monde en a généralement, sinon ça se trouve assez facilement. D'accord. Est-ce qu'il y a quelques trucs que tu peux nous donner justement pour des gens qui sont pas nécessairement habitués à consommer des plantes médicinales? Oui. Ben déjà, c'est de les intégrer dans la cuisine. Je pense que c'est ça le plus facile au départ. C'est vraiment d'utiliser les aromates, donc le thym, le romarin, la menthe, des plantes qu'on retrouve même à l'épicerie. Donc, de vraiment commencer par ça, puis de les infuser aussi. Donc, souvent, j'ai des clientes qui vont me dire « Ah, wow, moi, le romarin, le basilic, j'adore ça, mais j'ai jamais pensé le faire en tisane. » Donc, d'y goûter de cette façon-là, à raison d'une cuillerée à thé par tasse d'eau. C'est une recette de base qui est intéressante pour les infusions, puis de faire des mélanges. Ce qui est bon de savoir, c'est que les plantes qu'on utilise en alimentation ont vraiment peu de toxicité, donc les chances qu'il se passe quelque chose de grave sont vraiment minimes. Les chances qu'il se passe quelque chose de bien sont juste plus probables, donc c'est ça. Puis quelqu'un qui aimerait vraiment pas le goût des tisanes à ce moment-là, comme vous nous dites, pourrait se tourner plus vers les teintures mères? Il pourrait se tourner vers les teintures mères. Il pourrait se tourner vers les capsules aussi. Il y a des capsules de plantes qui sont faites par des bonnes compagnies dans lesquelles on retrouve des plantes biologiques, des plantes cultivées avec soin. Donc, il y a différentes options pour consommer des plantes à l'interne. La teinture mère est une option quand même assez facile dans une base de... Il y a trois bases qu'on va utiliser, qu'on retrouve généralement au Québec. Donc, de l'alcool, qui est un alcool comestible à 40 % dans lequel on va en fait macérer des plantes. Le vinaigre de cidre de pomme, quand j'en ai parlé. Et la glycérine végétale, qui est un produit souvent plus destiné aux enfants, qui a un léger goût sucré. Donc, pour les vraiment néophytes, commencer avec la glycérine végétale, souvent c'est... C'est très facile. Ça peut être un bon point de départ. Tout à fait. D'accord. Puis, on entend beaucoup, depuis les dernières années, parler de l'herboristerie au Québec. Je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de la situation, de comment ça se passe ici. La situation au Québec pour l'herboristerie, c'est... C'est une grosse question. C'est une grosse question, c'est une grosse situation. Depuis quelques années, il y a la direction des produits de santé naturelle, qui est un bureau à Ottawa, qui a décidé de proposer des normes pour que les herboristeries qui désirent mettre des produits en marché aient des numéros de produits naturels qu'on appelle des NPN. Pour faire ça, ça prend une licence de site et ça prend des licences de production. Donc ça, c'est beaucoup de frais, beaucoup de recherches, beaucoup de paperasse qui ont fait fermer plusieurs herboristeries au Québec. Donc, plusieurs petites herboristeries et quelques grosses herboristeries aussi. Alors, on retrouve... moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'herboristerie il y a 10 ans. Ce qu'on retrouve sur les tablettes aujourd'hui a réduit de plus de la moitié, donc en termes de choix de produits. Donc, c'est vraiment une situation qui est alarmante. Je dirais que la situation qui est intéressante, c'est que les herboristes thérapeutes, elles peuvent, dans le cadre d'une consultation, continuer à donner des produits à leurs clients ou à vendre des produits à leurs clients. Donc, c'est la façon la plus, je dirais, sécuritaire. La Guilde des herboristes est un organisme qui a travaillé beaucoup à l'élaboration, conjointement avec Santé Canada et la DPSN, à s'assurer de garder l'herboristerie traditionnelle comme quelque chose de vraiment important et de traditionnel au Québec. Donc oui, il y en a des herboristeries traditionnelles, puis je crois que le mouvement est fort et le mouvement est vivant, puis ça va pas mourir, la chasse aux sorcières ne recommencera pas, parce qu'on s'est assuré d'être là sur les bons, aux bonnes tables, avec les bonnes personnes, un gros lobby qui s'est fait, et ça a fonctionné. Donc c'est intéressant de voir, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'herboristerie, puis c'est important d'écouter leurs besoins finalement. Tout à fait. Puis juste pour revenir sur la situation des herboristes thérapeutes, si je comprends bien, c'est qu'en tant qu'herboriste thérapeute accrédité par la Guilde, tu aurais le droit de préparer des teintures ou des différents produits à base de plantes médicinales et les vendre à ta clientèle. Oui. Dans le cadre d'un suivi, finalement. Exactement. Ça prend un suivi, puis ça me permet, moi, de faire mes produits, mes propres produits, sans qu'ils passent dans la loi. Évidemment, je veux dire, moi, j'ai une formation, je sais comment faire des produits, être herboriste thérapeute accrédité, ça nécessite des années d'études, puis la présentation d'un dossier, donc, la Guilde a aussi fait ça pour s'assurer que, justement, les herboristes qui s'affichent comme herboristes aient une crédibilité. Donc, c'est de plus en plus vrai. Il y en a de plus en plus. On est plus de 30 herboristes accrédités maintenant à la Guilde des herboristes. Il y en a d'autres qui sont en processus. Il y a plusieurs élèves qui se forment à tous les années. Donc, il y a de l'espoir. Oui, on peut voir qu'il y a vraiment un essor et un engouement pour les plantes médicinales, je pense, actuellement. Définitivement. Puis, il y a quand même plusieurs jardins au Québec qui sont possibles de visiter. Il y a des petites herboristeries un peu partout en région qui naissent. Puis, je pense que la relève est là. Merveilleux. Puis, justement, sur le site de la Guilde des herboristes, est-ce qu'on peut trouver de l'information sur les plantes ou sur les herboristeries qui seraient accréditées ou même les herboristes thérapeutes, finalement, qui seraient accrédités? Oui, je vous donne le site Internet de la Guilde des herboristes. C'est le www.guildedesherboristes.org. Vous allez retrouver des ressources en herboristerie, autant des producteurs, des herboristes thérapeutes, des écoles, des gens qui donnent des cours, puis des informations sur l'herboristerie et la situation de l'herboristerie au Québec. Mais merci infiniment, Capucine Chartrand. C'était vraiment intéressant de nous initier au monde des plantes médicinales, puis comment elles peuvent être là pour soutenir les femmes puis les familles dans les dans le processus de la grossesse et de la naissance. Merci Véronique, c'était un plaisir. Donc, on va passer à une petite pause musicale. On va aller écouter « Le chat du Café des artistes » de Charlotte Gainsbourg. Et puis ensuite, ce sera suivi d'une pause publicitaire. Jérémy, Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire? Aucune idée. Comme parent, je l'encourage à sortir du lit. Comme employeur, je limite ses heures à 15 par semaine. Comme personne de son entourage, je lui donne une petite tape dans le dos. En Mauricie, tout le monde a son rôle à jouer pour la persévérance et la réussite scolaire. Soyonscompères.com. Allô? Allô? Allô? ai-je parlé à M. Leblanc juste une fois. Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite international et la connerie humaine dans le Dîner de cons sur C'est fou 89. Dans le cul, Loeb, dans le cul, dans le cul. Va te faire foutre, tiens! Toi aussi, va te faire foutre! Oh! Mais quel connard, ce type! Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir. Vous êtes étudiant dans le domaine de la santé? La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier avec de nombreux avantages. Conçu pour vous et adapté à votre réalité. Rendez-vous à votre succursale sur le boulevard Jean 23 et découvrez comment financer vos études en toute simplicité. Profitez d'un compte bancaire sans frais et bien plus encore. De plus, courez la chance de gagner un fabuleux voyage au Mexique. Pour tous les détails, visitez banquedelasante.ca. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. Vous êtes étudiant? Visitez la bibliothèque de l'université. Elle regorge de documents scientifiques qui vous aideront dans vos travaux. De plus, un personnel compétent est là pour répondre à toutes vos questions. Consultez notre catalogue, nos bases de données et la plupart de nos périodiques. Renouvelez vos emprunts ou encore réservez une salle de travail en équipe directement de chez vous. Sur place, empruntez un portable ou utilisez nos stations de montage. Visitez notre site web au uqtr.ca/biblio. La bibliothèque de l'université, difficile de s'en passer. C'est fou le froid. Bonjour et bienvenue à Connaître Ensemble. On est de retour sur C'est fou 89.1 à Connaître Ensemble, l'émission sur la périnatalité. Aujourd'hui, nous abordons le thème des approches alternatives en santé périnatale. On a reçu en première partie une herboriste chevronnée du nom de Capucine Chartrand. Et maintenant, on a le grand bonheur d'accueillir en studio Mme Evelyne Fleury, qui est ostéopathe. Donc, je commence en vous la présentant avec son curriculum. Donc, Evelyne Fleury, elle est ostéopathe. Elle est enseignante à l'École professionnelle des ostéopathes du Québec. Et elle travaille actuellement au Centre Mère et Compagnie par la Source en soi, à Montréal. Donc ça, c'est un centre multidisciplinaire, spécialisé en périnatalité, qui travaille avec les femmes enceintes, les familles et les bébés. Alors, bonjour Evelyne Fleury. Bonjour Véronique. Ça va bien? Oui, merci. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'est l'ostéopathie? Parce que je pense que c'est, bon, de plus en plus connu au Québec, mais ça demeure un peu nébuleux quand même pour certaines personnes. Oui, alors l'ostéopathie, c'est une médecine ou une approche manuelle qui a pour objectif de rétablir la posture, la mobilité et la fonction des différentes structures de l'organisme en traitant les causes à l'origine des douleurs, des symptômes ou des troubles fonctionnels. Et puis bien souvent, les causes se trouvent à distance de la douleur ou du trouble présent. L'ostéopathe, pour retracer ce lien de cause à effet, doit pouvoir combiner sa connaissance théorique de l'anatomie et de la physiologie avec sa capacité pratique à percevoir les différents mouvements plus ou moins subtils qu'il sent et perçoit avec ses mains. Pour rendre cette ébauche de définition plus concrète, je vais essayer de vous la mettre en lien avec certaines réalités du corps humain en santé. Donc, on dit souvent que le mouvement, c'est la vie. Autrement dit, chaque structure du corps humain, pour exprimer la vie, pour être un espace de vitalité et remplir ses fonctions de façon équilibrée, doit pouvoir être mobile. Que ce soit le mouvement oscillatoire d'une cellule, les battements cardiaques ou la respiration thoracique, par exemple, juste pour nommer quelques-uns des rythmes là, du corps vivant. Quand un de ces mouvements rythmiques-là est restreint, les fonctions de cette structure commencent à être perturbées. Il se crée une espèce de point fixe dans le corps où il ne devrait pas y en avoir, et là, ce sont les structures avoisinantes qui doivent compenser ce manque de mobilité et ce changement fonctionnel. Et des douleurs, et c'est là que commencent à apparaître finalement différents symptômes comme des débalancements hormonaux, par exemple, des douleurs articulaires, musculaires, des troubles digestifs, circulatoires, des troubles de concentration ou du comportement, etc. Alors, pour résumer ça brièvement, disons que toutes les structures du corps doivent être libres de leur mouvement pour que leur fonction et la qualité de leur fonction soient assurées. Ça fait qu'à chacune des rencontres, le travail de l'ostéopathe consiste à remettre en mouvement les os, articulations, tissus mous, viscères, structures crâniennes qui sont en restriction pour permettre à la santé de s'exprimer. D'accord, mais en fait, ça nous fait comprendre un peu mieux ce que c'est l'ostéopathie. Puis justement, lié à ça, donc, est-ce que l'ostéopathe et l'ostéopathie peuvent être utiles durant la période de la grossesse? Oui, et de plusieurs façons. Si on parle des maux communs chez la femme enceinte, on peut traiter entre autres les troubles circulatoires, par exemple. Parmi ces troubles, on pense à un ralentissement du retour veineux, à des jambes lourdes, de la congestion pelvienne, des édèmes des chevilles, des jambes, aux engourdissements des mains. Si on pense plus aux troubles digestifs, on va nommer les nausées, comme Capucine en a parlé tout à l'heure, et les vomissements, donc du premier trimestre, vraiment dû à l'augmentation du taux d'estrogène et progestérone là, au début. Et par la suite, peuvent apparaître des reflux gastriques, de la constipation, troubles urinaires. Tout ça vient plus tard, finalement, avec l'expansion plus importante de l'utérus. On peut penser aussi à des troubles d'ordre plus mécanique, mais qui peuvent être d'origine diverse, donc des douleurs lombaires, dorsales, coccygiennes, sciatiques, ou des douleurs au niveau du pubis. Donc, c'est des choses qu'on voit souvent, puis même des troubles respiratoires. Donc, l'utérus, en s'expansant dans la cavité pelvienne et abdominale éventuellement, pousse sur toutes sortes de structures et amène plusieurs changements donc, structurels et des rapports anatomiques là, au niveau des organes et tout ça. Mais à part de traiter les maux chez la femme enceinte, ce qu'on cherche aussi... Et surtout, des fois, c'est le confort du fœtus qui dépend bien sûr en grande partie de celui de sa mère, mais aussi de la possibilité de l'utérus à prendre toute son expansion nécessaire dans les cavités pelviennes et abdominales. On souhaite aussi que le processus de l'accouchement soit vécu le mieux possible par la mère et le bébé. Alors, on travaille aussi à la préparation de l'accouchement pour que les structures musculo-squelettiques de la mère permettent les contractions utérines, le déclenchement du travail et l'expulsion. D'accord. Puis justement, une femme, là, je sors un peu du cadre, mais je me demandais, une femme qui pense à concevoir ou puis qui pense à tomber enceinte, est-ce que ce serait bon qu'elle aille en prévention chez son ostéopathe? Ben oui, parce que, on peut d'ailleurs travailler en fertilité, en ostéopathie. Donc, si quelqu'un, par exemple, a de la difficulté à tomber enceinte, ça pourrait être par un manque de mobilité d'une trompe utérine ou d'un ovaire. Comme je l'expliquais, toutes les structures doivent être mobiles pour remplir leurs fonctions. Donc, pour que l'œuf puisse être fécondé, puis s'implanter au niveau de l'endomètre et tout ça. Donc, l'ovaire et la trompe, tout doit être mobile. Donc, ça, on peut travailler ça en ostéopathie. Et où je travaille, au centre de périnatalité Marie-Compagnie, on aime beaucoup travailler par une approche multidisciplinaire. Donc, on va travailler souvent de concert avec une acupuncteur, naturopathe et ostéopathe pour préparer le terrain, si on veut, ou pour aider une femme à être fertile qui a de la difficulté là, à concevoir. Mais aussi pour préparer la structure physique de la mère, tout simplement, pour s'assurer que le bassin est aligné, pour que tout se passe là, le plus facilement possible. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Je ne savais pas que, justement, l'ostéopathie pouvait même intervenir aussitôt qu'à la fécondation et à la fertilité. Donc, est-ce que, durant l'accouchement, est-ce que, là, je reviens vraiment plus au cœur peut-être du sujet, là, durant l'accouchement, est-ce qu'il y a des trucs simples ostéopathiques qu'une sage-femme pourrait apprendre ou un autre professionnel de la santé là, pour aider ou accompagner les femmes dans la douleur et la progression du travail? Je suis consciente là, qu'on ne peut pas donner un cours ici, là, mais peut-être à titre informatif pour nous donner des idées ou voir comment ça pourrait se passer concrètement. Bien, il y aurait des manœuvres à apprendre. Je pense par exemple à la méthode Bonaparte, mais qui n'est pas de l'ostéopathie, mais qui enseigne entre autres aux papas comment aider leurs femmes par différentes positions à prendre et points de pression à faire pendant l'accouchement. Mais à mon sens, on ne peut pas vraiment parler de trucs ostéopathiques à apprendre parce que l'ostéopathie n'est pas un ensemble de techniques en particulier, mais plutôt une façon de raisonner à partir de l'anatomie combinée au développement du sens du toucher. Mais c'est pas rare de voir des femmes ostéopathes suivre la formation d'accompagnante à la naissance pour pouvoir traiter les femmes lors de leur accouchement. D'accord. Au niveau de la formation des ostéopathes, parce que justement, je pense que c'est quelque chose, tu nous as parlé de l'apprentissage du toucher, c'est pas quelque chose qui s'apprend comme ça. Ça ressemble à quoi, la formation des ostéopathes? Mais ça ressemble à plusieurs années où on approche le corps petit à petit. On commence par des cours d'anatomie et de physiologie, assez poussés. Mais c'est sûr qu'on n'apprend pas tout par cœur la première année. Donc, on reste dans nos livres tout au long de notre formation et éventuellement tout au long de notre pratique aussi. Donc, anatomie, physiologie. Ensuite, on a un cours d'anatomie fonctionnelle. Et donc là, on va apprendre tout le système musculo-squelettique et les différents muscles, les ligaments, les articulations et tout ça. On va avoir un cours de structurel qui est plus axé sur... sur les manipulations vertébrales, si on veut, ou les différentes approches qui sont vraiment plus structurelles, donc qui s'adressent directement aux articulations, par exemple, tout ça. Et on a des cours dits viscéraux, si on veut, où on apprend tous les organes, les viscères, abdominaux et thoraciques, donc qui va nous préparer à travailler avec la sphère viscérale de l'ostéopathie. Et on a des cours aussi d'ostéopathie appliquée à la sphère crânienne. Donc, c'est ça. Et puis après ça, il y a un travail qui s'apparente à un mémoire qu'on doit faire, donc qui est un travail de fin d'études, et plusieurs stages aussi par la suite pour compléter. Donc, c'est un processus qui se déroule sur plusieurs années, c'est ça? Oui, puis l'apprentissage du toucher aussi là-dedans se fait progressivement. Donc, on commence par des trucs plus simples comme manœuvre les premières années. Puis petit à petit, on développe, on arrive à sentir des rythmes et des mouvements plus subtils. Qu'une plus grande amplitude qu'on retrouve au niveau articulaire, par exemple, on va sentir le mouvement du foie ou du rein qui doit être capable de faire son mouvement dans les trois plans de l'espace, mais qui au début est très difficile même à imaginer et à accepter qu'il y a un tel mouvement qui se produit. On va ressentir ce mouvement-là au niveau des os du crâne aussi, et même pour les étudiants en début d'année, il faut d'abord accepter que ça existe. Il y a un truc à dire aussi, c'est que souvent, les cours d'anatomie, de dissection et tout ça sont faits sur le cadavre froid. Donc, c'est clair qu'il n'y a plus de mouvement à ce niveau-là. Mais en Italie, par exemple, il y a eu plusieurs recherches qui sont faites sur le vivant. Et à ce moment-là, ça a été vraiment objectivé par la science qu'il y a un mouvement d'expansion-rétraction constant. Et on travaille beaucoup avec ce mouvement cyclique-là en ostéopathie qu'on appelle le mouvement respiratoire primaire, qui est un mouvement du système nerveux, mais qui est un mouvement finalement cellulaire à travers le corps au complet. Donc, ça prend du temps un peu à développer, mais ça vient. Bien, merci, Evelyne, de nous faire ces nuances-là, parce que je trouvais que c'était important pour comprendre justement toute l'approche d'un ostéopathe, tout son bagage aussi. Si on en revient encore au cœur de notre sujet, l'accouchement, tout ça, est-ce qu'on a parlé de la mère tantôt, justement, des différents points de pression qui peuvent être faits durant le travail pour soulager la douleur? Comme on a fait la distinction, c'est pas nécessairement des manipulations ostéopathiques, c'est plus un support qui peut être fait. Au niveau du bébé, est-ce qu'il y a des indications particulières pour avoir recours à des traitements en ostéopathie dans le postnatal? Exemple, je sais pas s'il y a utilisation d'un forceps, parce que ça peut avoir créé un certain traumatisme ou même des dysfonctionnements, tout ça, pour le bébé? Oui, toute naissance dystocique ou difficile, ainsi que les différentes postures lésionnelles intra-utérines prises par le fœtus par manque d'espace pendant les dernières semaines, peuvent apporter leur lot de traumatisme chez le nourrisson. Par position lésionnelle intra-utérine, je veux dire qu'au lieu de la position fœtale en flexion habituelle, le fœtus peut adopter des postures des plus improbables. Par exemple, il peut passer des semaines arqué vers l'arrière et incliné latéralement, ce qui peut sembler fort inconfortable, mais qui est sa réponse au manque d'espace. Donc, les bébés qu'on voit en clinique sont souvent des bébés qui dorment mal ou font des cauchemars, qui régurgitent fréquemment, qui ont des reflux gastriques ou des coliques, qui peuvent faire des colères, qui se tiennent penchés, par exemple, d'un côté plus que de l'autre, ou qui tournent toujours la tête du même côté. Et ça, depuis la campagne du dodo sur le dos, le fait de toujours dormir sur le dos avec la tête du même côté, ça va souvent entraîner des plagiocéphalies qu'on dit positionnelles, c'est-à-dire des asymétries crâniennes qui peuvent être plus ou moins marquées. dépendamment des cas, et qui peuvent devenir problématiques pour le développement du système nerveux central. Donc, par exemple, on a un méplat au niveau de l'écaille occipitale, bien, on va avoir le lobe occipital qui peut être comprimé à ce niveau-là, et le sang, le liquide céphalo-rachidien vont moins bien circuler, moins bien irriguer cette région-là, et ça devient problématique peut-être pour le... ça peut entraîner un retard de développement de cette zone. Donc, c'est important de faire traiter, mais surtout aussi en tant que parent, de vérifier. Parce que souvent, on voit des enfants en clinique dont les parents n'étaient pas au courant nécessairement, puis ça ne prend pas longtemps, ça peut s'installer, ça, un bon méplat là, derrière la tête en un mois ou deux. Donc, on voit des enfants, des fois, dont la tête est très asymétrique. Et donc, c'est important pour les parents de bien positionner la tête de l'enfant et de remarquer que s'il tourne toujours du même côté, favoriser le fait qu'il tourne de l'autre côté, mais aussi de consulter peut-être en ostéopathie ou parfois en chiropratie aussi pour ajuster ça, pour lui permettre de tourner des deux côtés. Le pionnier de l'ostéopathie appliquée à la sphère crânienne, qui s'appelait William Sutherland, comparait au début des années 1900 le déploiement des os du crâne de l'enfant après la naissance au déploiement des pétales d'une rose. Et il disait qu'il pouvait arriver que quelques-uns des pétales, après avoir été trop froissés, n'arrivent pas à se déployer d'eux-mêmes, malgré les cris et les tétés du bébé. Donc, on peut aider au déploiement, si on veut, de ces pétales-là, pour suivre la métaphore. Puis, en tout cas, c'est vraiment merveilleux de pouvoir traiter quelqu'un si jeune. On voit les bébés en clinique à tout âge, mais le plus souvent à partir de 2 semaines ou 1 mois. Donc, on laisse la nature quand même faire son travail quelques temps, parce qu'il y a une expansion qui va se produire d'elle-même, si on veut, comme je disais, avec les cris, puis les tétés, tout ça, l'allaitement. Mais à cet âge-là, les tissus mous sont très malléables, puis les schémas dysfonctionnels vraiment moins ancrés que chez l'adulte. Donc, ce qui nous permet souvent des beaux résultats en peu de temps et qui constitue, à mon sens, la plus belle prévention qu'on peut avoir en santé de traiter si jeune. Voilà. Justement, est-ce que les bébés sont réceptifs au traitement aussi jeunes que 2 mois? Comment ils se laissent toucher? Ou même les plus vieux, comment ça se passe? Bien, ça se passe bien la plupart du temps. Mais traiter, tu sais, en ostéopathie veut aussi dire être en relation et dialoguer avec l'individu qu'on a en face de soi et sous les mains. Le plus important est probablement de rester réceptif soi-même en tant qu'ostéopathe et de respecter l'état émotif du patient, qu'il soit petit ou grand. Donc, le monde intérieur du bébé et la façon dont il se sent dans son corps sont une grande partie de son expérience de la vie. Et il peut arriver qu'un changement, même pour le mieux, amène chez lui pas mal d'insécurité. Donc, des fois, certaines positions peuvent lui rappeler un moment plus difficile de la naissance, puis lui faire vivre toutes sortes d'émotions. Donc, ce qui fait qu'il est important de rester à l'écoute, puis de savoir quand prendre une pause pour permettre à sa maman, par exemple, de le consoler. D'accord. Je me demandais, moi, dans mon entourage, je sais qu'il y a des femmes que je connais qui avaient des difficultés au niveau de l'allaitement puis tout ça avec leur bébé, puis que l'ostéopathie les a beaucoup aidées. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu vois dans ta pratique clinique beaucoup par rapport à l'allaitement ou d'autres? Oui. Donc, on va travailler... tu sais, souvent, ça vient par des compressions près du trou occipital, si on veut. Donc, il y a des nerfs qui vont être comprimés ou qui n'arriveront pas à assurer leur fonction tout à fait. Donc, ça peut venir de là, mais ça peut venir d'un positionnement aussi de l'occiput, par exemple, ou de la tête sur la première vertèbre cervicale, ou la première et la deuxième. Donc, parfois, comme le bébé peut peut-être tourner la tête juste d'un côté et pas de l'autre, donc il y a un sein qui va être facile à donner, mais l'autre va être difficile, puis il va causer des blessures à la mère de ce côté-là. Donc, on va travailler un peu avec le positionnement, c'est l'ergonomie un peu en quelque sorte, même si on n'est pas des experts là, en allaitement, mais on va travailler dans le fond pour que l'allaitement se passe le plus facilement possible. Il y a des choses à faire effectivement. Aussi, je me demandais, supposons une femme qui arrive à 36 semaines, elle se rend compte que son bébé est en siège, est-ce que l'ostéopathie pourrait aider justement pour... une version sans être la technique de la version, je sais pas, ou au positionnement, si c'est un postérieur, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être... Je dirais que ce que l'ostéopathie peut faire, là, je m'avance un peu, mais dans le fond, c'est de faire de l'espace. S'il manque l'espace au niveau du bassin, des droits supérieurs. Si c'est pas assez ouvert, l'enfant peut ne pas être confortable à se rendre dans cette zone-là. Donc, je crois que le travail de l'ostéopathe serait de faire, tu sais, de rendre cet espace-là confortable et invitant, dans le fond. Donc, de travailler sur la structure du bassin à ce moment-là et sur la tension des tissus mous avoisinants, là, dans le fond. Mais moi-même, je ne ferais pas la version comme telle, là, mais au moins faire de la place, oui. Mais souvent, encore une fois, on va travailler avec les acupuncteurs qui ont des trucs aussi en acupuncture pour faire la version aussi, qui se fait peut-être plus naturellement et doucement que par une façon purement mécanique, là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les sages-femmes ne font pas de version non plus, je tiens à le mentionner. Je voulais savoir, pour conclure un peu, combien de séances peuvent être nécessaires en ostéopathie pour retrouver la santé ou pour avoir un effet ou tout ça. J'imagine qu'il n'y a pas de nombre clé, là, mais je veux juste savoir, est-ce que c'est comme on prend un abonnement à vie quand on va chez un ostéopathe? Comment ça se passe? Bien, de façon utopique, nous, ce qu'on aimerait que ça devienne, là, finalement, la façon de faire, ça serait qu'aller chez l'ostéopathe soit un peu comme aller chez le dentiste. Donc, qu'on y aille de façon préventive, peut-être une fois ou deux fois par année, parce que de cette façon, on peut éviter à certains symptômes d'apparaître éventuellement. Mais sinon, ce qu'on voit le plus souvent en clinique, c'est des gens qui arrivent avec des douleurs qui sont déjà installées depuis plus ou moins longtemps, qui ont des fois essayé différentes approches ou qui ont entendu parler de l'ostéopathie puis qui veulent y aller de cette façon-là. Donc, je te dirais que ça dépend vraiment du cas, donc de la personne, depuis combien de temps, de son état de santé et de sa vitalité. Donc, on va donner une information au corps par une approche manuelle, mais comment le corps lui-même de cet individu-là va gérer cette information et qu'est-ce qu'il va être en mesure de faire avec cette information-là, dépendamment, comme je disais, là, de sa vitalité, de son souffle de vie, comme on dit en ostéopathie. Donc, voilà. D'accord, ben ça répond bien à ma question. En fait, ben merci infiniment, Evelyne Fleury, d'être venue nous rencontrer. C'était très enrichissant de comprendre l'ostéopathie, puis l'approche ostéopathique, puis comment ça peut s'inscrire dans le cheminement, le déroulement de la grossesse, de l'accouchement, puis dans le postnatal, autant pour la mère que pour le bébé. Y aurait encore plein de choses à dire. Donc, voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Puis je vous rappelle que toutes nos émissions se retrouvent en balado-diffusion à www.uqtr.com. .ca/co-naître. Vous avez accès aussi à notre courriel pour nous envoyer des messages, des commentaires, des suggestions. On est en train de faire l'ébauche de notre programmation de l'hiver 2011. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ça va être nourrissant pour nous. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. On a accès aussi aux émissions en direct sur Facebook. Donc, vous pouvez y avoir accès en devenant membre du groupe Co-naître Ensemble. Et puis, comme je l'ai déjà mentionné, c'était notre dernière émission de la saison automnale 2010. En fait, on a eu beaucoup de plaisir, toute l'équipe, à travailler sur l'émission. L'émission Connaître Ensemble reprendra l'antenne dès le jeudi 13 janvier 2011. De 10h à 11h. Donc, nous ne serons plus le mercredi matin, mais bien le jeudi matin. On espère que vous allez nous suivre dans cette plage horaire. Vous pouvez, vous pourrez consulter là, durant la période des fêtes la programmation de l'hiver 2011. Je tiens à remercier toute l'équipe de l'émission Connaître Ensemble et particulièrement pour aujourd'hui, Bronwyn Agnew, notre merveilleuse technicienne, Annie Léger, coordonnatrice de l'émission, ainsi que nos deux invités qui ont été très généreuses, Capucine Chartrand, herboriste, et Evelyne Fleury, ostéopathe. Je vous remercie grandement d'être venue à Trois-Rivières nous rencontrer. Je tiens aussi à remercier, vu que c'est la dernière émission, Jessica Boulanger qui est à la barre de l'émission à titre d'animatrice, ainsi que les autres étudiantes en pratique sage-femme, Sophie Baudouin-Dion en troisième année et les autres en première année, Maude Côté, Rosso Vargas, Karine Bertrand, Annie Bourseau-Arcan et Cathy Bordelot. Je voulais aussi adresser un merci tout particulier au programme En pratique sage-femme et spécifiquement à Mme Raymonde Gagnon, directrice du programme, et Mme Emmanuelle Hébert, professeure aussi au programme, qui nous ont accompagnés dans le processus. Et je remercie également la Chasse-Galerie, notre commanditaire tant aimée, qui est notre seul commanditaire, mais qui est bien là. Alors, je vous souhaite une très belle période des fêtes, beaucoup de plaisir, de réjouissance avec les amis, la famille. Faites attention quand même à votre foi. Et puis, on va se quitter en musique avec la pièce « Quelqu'un d'autre » de Thomas Jensen sur l'album « Quelqu'un d'autre ». Donc, c'était Véronique Bazinet pour l'émission « Connaître ensemble ». Et on vous attend à la prochaine session sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Merci. Et il y a des rencontres dont je me serais passé. C'est le genre de choses assez réciproques. On est toujours le con de quelqu'un d'autre. On est toujours le con de quelqu'un d'autre. Comme tout le monde, je me dis que je me suis trompé d'époque. J'aurais dû naître ailleurs à un autre moment. Mais c'est ne pas s'assumer et rejeter les fautes sur un dieu caché dans le firmament. Je ne crois rien de tout ça, et la conscience existe. Sans nul besoin d'Allah, de Jésus, de Shiva. Tous les sommets font naître des alpinistes. Dans les creux des vallées où la vie se débat. Je ne suis sûr de rien, c'est peut-être la chose qui me rend le plus humain, quoi qu'en disent les croyants. Faut vivre et laisser vivre, c'est la seule cause. L'indispensable mère aux innombrables enfants. Nous n'avons qu'un instant pour danser dans le monde. Pour nous imprimer dans la rétine du destin. Le mouvement est le mood de chaque seconde. Chacun reste immobile au bout de son chemin. Chaque fois que je m'endors, je finis par me réveiller. Ça ne veut sûrement pas dire que je rêve pour rien. Je finis par m'endormir au bout de chaque journée. Pas certain, mais je crois que ces deux vies se valent bien. Pas certain, mais je crois que ces deux vies se valent bien. Et l'amour à l'amour, je ne peux rien en dire. La fille que j'ai aimée est partie, c'est comme ça. Et l'amour à l'amour, il n'y a rien à en dire. La fille que j'ai aimée est partie, et voilà.